Haïti, c'est vous-même que moi choisi. Où sont belles mélodies qui fait me sentir non pas dit. Tant pis, tant pis, où t'es moi l'enfredi. Tant pis, fais-moi cadeau, petit sourire. C'est pas pour daddy, ma fille chante pour vous. C'est pas pour daddy, ma fille rêve de vous. C'est pas pour daddy, ma fille chante pour vous. Yeah. Moi tout petit, c'est vous-même qui m'avez choisi. T'as couillon Saint-Esprit, mon vaillis entraille, mon chéri. Tant pis, tant pis, où t'es maintenant la vie. Oh, tant pis, viens bon moi la vie. C'est pas pour daddy, ma fille chante pour vous. Rêve de vous, mamie. C'est pas pour daddy, ma fille chante pour vous. Yeah. Je dis à moi, fille grand, tout homme d'amour, même genre. Bacabar ou l'argent, même gomber, sentiment. Éclairé ton diamant. Mais pas quitter forcément, ou mettre quoi sincèrement. L'amour ça l'a longtemps. Wow, wow, wow, yeah. C'est pas pour daddy, ma fille chante pour vous. C'est pas pour daddy, ma fille rêve de vous. C'est pas pour daddy, ma fille chante pour vous. Belle fleur en sirène, oh, oh, oh. Qui refuse de faire.